Exercice 8, page 26. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas.